Dossier 4. Deuxième partie. Une soirée surprise. Bernard est devant un ordinateur, dans la salle de restaurant, en train de travailler. Bonjour, monsieur Lemoine. Je vous dérange ? Mais non. Asseyez-vous. Et appelez-moi Bernard, ça me fera plaisir. D'accord. Mais vous, vous m'appelez François. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes retourné à l'informatique ? Non. Mais je suis en train de modifier mon site internet. Et les affaires, ça marche ? Doucement. Maurice m'a dit que ça serait difficile au début. Mais on n'est pas inquiet, on savait qu'il faudrait un peu de temps. Et votre femme et votre fille, ça va ? Elles se font à leur nouvelle vie ? Corinne est ravie. Et Laura s'est déjà fait beaucoup d'amis. On se doutait bien qu'elle ne resterait pas longtemps sans se faire des copains. Bon, je vais vous laisser travailler. Bonjour à votre femme. Vous allez sans doute la voir en partant. Elle est en train de mettre des affiches un peu partout dans le village. Des affiches ? Et pourquoi faire ? Ah, vous verrez. Le samedi suivant, au café, Bernard est à côté de l'ordinateur. Approchez, mes amis. Approchez. Et maintenant, voici notre surprise. Le mot « bienvenue » et la photo de la place du village apparaissent sur l'écran de l'ordinateur. Oh, oh, le village ! Oh, c'est ma maison ! Cet ordinateur est à votre disposition. Nous serons heureux, Corinne et moi, d'accueillir tous ceux d'entre vous qui voudront l'utiliser. Un ordinateur dans notre café. Eh bien, il manquait plus que ça. Sans compter que les jours d'orage, avec les sautes de courant, eh bien, vous n'avez pas fini de vous embêter. Je propose qu'on lève notre verre à la santé de notre ami Joseph. Parce que sans lui, la vie serait quand même moins drôle, hein.